Bah celle-là elle est nulle, c'est pour ça qu'on l'a joué en dernier. Elle est toxicopathe. M'empêche de pisser. Je pisse sur mes grilles pour ne pas éclater. Je suis la carrière. Wow. Je suis la douce. Wow. Je suis la dame. Wow. On s'en fout, il était nul. Bon ben c'est tout, hein, c'est fini. Vous voulez une autre? Bon ben d'accord, on s'en va. Tu sais qu'il fait un massage à Sam. Beryl. On va avoir joué au Omar m'a tué la première. Oh, tu fais chier. Finalement, non. Omar m'a tué.